13h sur la première. D'ici là, passez un très bel après-midi à l'écoute de nos programmes avec tout de suite Histoire vivante. Vacarme avec le Festival international du film de Genève du 2 au 10 novembre. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du cinéphile au documentariste. Rencontre avec William Carell. Putting a man on the moon as part of a great national effort. Captain America, je suis très flatté que vous ayez pensé à moi. Nous sommes déterminés à reprendre notre pays. Nous allons remplir la promesse de Donald Trump. Les citoyens américains se préparent à accueillir leur nouveau président. Then it's time for new leadership for the United States of America. Et à votre gauche, voici maintenant les fameux bâtiments de Watergate. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Et soudain, tous ces poids lourds de la politique se sont télescopés, comme des trains qui se percutent à toute vitesse. This is America, and we will not allow any terrorist to threaten civilization with weapons of mass murder. Washington, capitale fédérale des États-Unis. C'est dans ce décor que va entièrement se jouer notre film. Au centre, la Maison Blanche. La Constitution fait du président des États-Unis l'homme le plus puissant de la planète. Il n'y a aucun garde-fou à ce super-pouvoir. Le staff du président est surprenant. 3 conseillers et 3 secrétaires en 1928, 650 sous Clinton. Mais sous Nixon, on a atteint le chiffre de 5000. Côté cour, à 50 mètres de la Maison Blanche, les bureaux du NSC, le Conseil de Sécurité Nationale. Devenu au fil des années le principal centre de décision de la politique étrangère des États-Unis. Côté jardin, le Pentagone, ou département de la Défense. C'est une véritable ville avec ses propres stations de métro, ses lignes de bus. 140 000 personnes y travaillent. C'est le cœur des forces stratégiques américaines. On y gère également le fonctionnement des 302 bases militaires américaines installés hors des États-Unis. À l'autre bout de la ville, le département d'État au ministère des Affaires étrangères. C'est le siège de la diplomatie américaine élaboré par le président et son secrétaire d'État. Enfin, dans les faubourgs de Washington, le siège de la CIA, l'agence centrale de renseignement, une forteresse totalement inaccessible. C'est ici, dans ce petit périmètre, que se joue le sort du monde. Voilà, alors on a eu le son, on n'a pas l'image, mais l'image, on peut la décrire. Il y a un grand drapeau qui flotte, c'est la Star Spangled Banner, c'est la bannière étoilée des États-Unis. Et vous l'avez entendu, cette musique crépusculaire, la tonalité peut faire penser à Mahler, peut faire penser à Bernard Herrmann, le compositeur d'Hitchcock. C'est les premières sensations, en tout cas ça a été les miennes en rouvrant vos documentaires, William Carell. Ce grand orchestre, c'est peut-être les États-Unis, ou alors qui s'apprête à exécuter une symphonie du Nouveau Monde, comme l'avait écrit précédemment Dvorak, justement partant aux États-Unis. Sauf que là, ce Nouveau Monde a plutôt du plomb dans sa bannière étoilée, et on n'a plus un mélange de nostalgie et d'enthousiasme, nostalgie du fait de quitter l'Europe et enthousiasme à partir au Nouveau Monde, comme était celui de Anton Dvorak, mais quelque chose où il y a une forme d'inquiétude. Quand vous décidez d'aller tourner les hommes de la Maison Blanche, l'image que vous pouvez avoir des États-Unis, elle en est où? Entre peut-être l'image que vous pouviez en avoir quand vous aviez 20 ans ou moins, et puis l'homme que vous êtes quand vous partez là-bas. L'image des États-Unis politique, vous voulez dire, à la Maison Blanche et... L'image globale de l'Amérique. L'image globale, j'ai toujours eu une image, je sais qu'on m'a beaucoup dit que j'étais anti-américain, ce qui est totalement faux, être anti-Bush, c'est pas être anti-américain. J'avais plutôt une image positive, j'ai toujours gardé, d'ailleurs je venais de lire le deuxième tome des mémoires de Henry Kissinger et on a proposé à Arte de faire un film sur savoir qui détient vraiment le pouvoir à la Maison Blanche. Je m'étais rendu compte un peu avant, en faisant juste avant le documentaire Israël-Palestine, dans lequel il y avait 50 témoins, il y avait 20 Israéliens, 20 témoins ou palestiniens ou de Jordanie ou d'Égypte, des témoins, et 10 témoins américains, et le contraste était énorme. Tous les Américains qui participent au film et qui avaient quitté le pouvoir parler avec une absence de langue de bois étonnante, qu'on trouvait jamais. En France, évidemment, n'en parlons pas. Mais aux États-Unis, des gens qui avaient des postes les plus importants racontaient tout. Une fois qu'ils ont quitté, il y avait ce système de devoir de réserve, mais il ne tient plus une heure après avoir quitté le pouvoir. Donc les gens racontaient, et je me suis rendu compte que c'était l'endroit idéal pour avoir des informations. Les gens parleraient. Parce que l'argument qu'on peut entendre souvent, c'est, vous comprenez, là maintenant il est un peu retiré, il est entre parenthèses, mais comme il compte quand même bien un jour revenir aux affaires, ou qui, voilà, il parlera pas. En France ou... Oui. Non, mais alors aux États-Unis, c'est pas le cas. Pas du tout. Aux États-Unis, même certains témoins, plus tard sur le film sur la CIA, certains témoins me disaient, je suis en poste, je quitte vendredi, je ne peux pas dire un mot maintenant, on peut se voir samedi matin, donc il n'y a pas de délai, vraiment. Le directeur du FBI, en tout cas, sur le 11 septembre, qui était vraiment un sujet délicat, et j'avais quand même un sujet d'une heure là-dessus, c'était tellement, par moments, fort, et c'était des témoins de premier plan. Hein. Si vous avez le directeur de la CIA et le directeur du FBI qui vous parlent de la guerre entre les deux administrations, c'est pas des sous-fifres ou des historiens qui inventent une histoire. Quand c'était tellement énorme que par moments, je coupais au montage avec l'accord d'Arte, je sais que sur le 11 septembre, toute cette histoire de savoir comment ce fameux dossier qui a circulé, qui a été envoyé par Schröder, qui est passé par Israël, donc d'Allemagne en Israël, disant que les États-Unis allaient être attaqués un peu après l'été, ils vont se servir d'avions comme armes pour attaquer une grande ville américaine. Tout ce dossier qui est arrivé au FBI, et la CIA ne l'avait pas. Et donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui s'était passé entre les deux. On a rencontré le sous-directeur qui a dit, on nous a demandé de faire une photocopie pour envoyer le dossier à la CIA. La photocopieuse était en panne. Il n'en a pas trouvé. Il est descendu chez le marchand de journaux en bas pour faire des photocopies, mais personne ne lui a fait de la monnaie. Il fallait des pièces de 25 centimes, de 25 cents. Et il n'a pas pu faire la photocopie, il est remonté, et après ça a été oublié. Si vous avez un responsable français ou quelqu'un qui vous raconte ça, mais c'était tellement énorme que je ne l'ai pas mis dans le film. Et j'ai vérifié différentes sources, et c'était une histoire authentique. Vous êtes en train de nous faire un petit cadeau en nous le disant, parce que ça apparaît pas dans le film. Non, et... ça apparaît pas, mais... Merci pour le cadeau. Et donc sur les hommes de la Maison Blanche aussi, de découverte en découverte sur la guerre du Kippour, des trucs... Oui, mais William Carell, ça je reconnais que une grande partie vient des autres, mais enfin, comme vous le dites avant, j'ai fait aussi un film sur Israël-Palestine, et qu'en l'occurrence, vous avez aussi du côté israélien et du côté des Palestiniens, des gens qui parlent, s'ouvrent et disent des choses, et que, bon, la situation fait que le dossier est pas tout à fait clos... Vous avez quand même une part de responsabilité à tout ça. Vous avez un art de convaincre les gens pour qu'ils viennent vous parler. Alors que ça, on va pas vous demander la cuisine, hein, on va pas vous extirper ça. Mais oui. c'est quoi? Non, ça, je dis pas si c'est un art ou je vais pas dire ou du talent n'importe quoi. Non, c'est pas à vous de le dire. Télérama avait fait un article qui s'appelait William Carell l'accoucheur. C'est vrai que ce que j'aime le plus, c'est m'asseoir. Préparer un entretien, retrouver d'abord des témoins, des fois c'est au bout du monde, on a retrouvé celui qui était chargé de, pendant des années par Kennedy, d'abattre Castro, on l'a retrouvé dans un petit trou perdu en Floride, et le rêve c'est chercher des témoins, et discuter avec lui, tout le reste, faire le film, le montage, tout ça c'est vraiment une corvée. C'est la finition. Oui exactement, les gens parlent, mais ils parlent parce que quand on demande des entretiens, on ne demande jamais moins d'une heure et demie, de toute façon, et ils nous donneraient pas moins si on vient du bout du monde pour les voir. Et sur ces films où il y a des entretiens croisés, quand le témoin a beaucoup de chance, il sera présent 5 minutes dans le film. Si en une heure et demie d'accouchement, comme ils disent, vous n'arrivez pas à faire sortir 5 minutes très fortes, c'est que vous pouvez faire autre chose. Et puis c'est mis ensemble, tous ces petits bouts. C'est des miettes assemblées qui se croisent. Des fois, on retourne voir un témoin en disant « Vous avez dit ça, mais votre ami dit le contraire. » Ensuite, quand on voit un témoin et on n'a pas pensé à un autre témoin, on pensait qu'il était mort, il lui dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir sur les Russes en Afghanistan ?» Ils nous ont envoyé chez Birden, qui était le spécialiste qu'on pensait mort. Milton Birden. Qui a écrit après un livre et le scénario pour De Niro. Excusez-moi, comment ça... C'est pas contradictoire, mais ça pourrait l'être de prime abord. Parce que j'avais noté... peut-être lors d'une de nos précédentes rencontres, que vous aviez le goût du mystère, le goût du secret. Alors, est-ce que l'une et l'autre ce plaisir ou ce désir d'accoucher les autres et ce goût du secret est contradictoire, ou au contraire, il est bien plus complémentaire qu'il ne pourrait y paraître de prime abord? Oui, moi je les sépare toujours les deux. Il y a le goût du secret et le goût du secret. Vous parlez pas de cette obsession du de non, du vous complot. Aimez le, vous aimez le secret, vous aimez le mystère aussi. Oui, beaucoup. Vous aimez, hein. Oui, voilà. Mais sur les, je pense pas que c'est or parler est impudique d'une certaine oui. manière ou pas pour les gens, pour les témoins. Ouais. Oui, souvent ils parlent parce que aussi ils ont des comptes à régler. C'est certain. Ils disent du mal de leur prédécesseurs, de celui qui arrive après eux et tout ça. Souvent, effectivement, ils sont là pour... ils vous donnent ça pour régler les comptes. En plus, ils ne nous prennent jamais au sérieux. Et surtout, ce qu'on a rencontré plusieurs fois, c'est que ces gens-là, anciens directeurs de la CIA et tout ça, ils sont... Par les médias, ils n'intéressent absolument pas les médias. Ils nous disent, si on a de la chance, une fois dans l'année, CBS ou NBC vient et nous demande de notre avis sur un petit truc. On parle pendant une minute et demie, ils disent, c'était très bien, mais est-ce que vous pouvez... redire exactement la même chose en 40 secondes. Et donc, quand on arrive et on s'installe et on leur dit, on peut parler 2 ou 3 heures, ils adorent ça. Et on leur ment pas, hein. On leur dit, voilà, il y aura vous, sur la CIA, il y a, même sur le Monde selon Bush, il y a 16 témoins, le film dure 90 minutes, on peut faire une minute de plus. Si vous avez beaucoup de chance, vous serez 4 minutes, 3 minutes dans le film. Et ils parlent 3 heures. Donc, c'est qu'ils ont un besoin de parler. Le cas échéant, est-ce que vous les avez sentis parler plus facilement, plus spontanément, ou donner plus spontanément leur accord ou pas, si vous les informiez des autres qui faisaient partie de votre casting? Est-ce qu'il y a eu des effets de réaction? Toujours on va, c'est comme si on allait à la pêche. Souvent, on ment même des fois au départ. On dit, par exemple, on dit on a tel témoin et un tel qui les impressionne. À ce moment-là, ils acceptent de participer. Au deuxième, on dit on a un tel. Ah, c'est pas bien, c'est ça. Pas un grand mensonge, mais c'est assez compliqué. Donc au départ, vous êtes bien obligé de dire tous vos collègues seront là. Est-ce que de ce point de vue-là, vous arrivez maintenant avec cette expérience à faire un peu un état des lieux? Au fond, on a beaucoup plus accès de l'information qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Bien sûr, il y a le secret défense, bien sûr, il y a des choses qui restent un peu scellées encore, mais au fond, quand on y va, on finit par avoir pas mal de oui, globalement. Oui, bien sûr, beaucoup. Bon, on est même surpris de voir avec quelle facilité les gens acceptent. Des gens nous demandent des fois un dédommagement financier, mais on refuse pour le principe, parce que ça serait pas moral, à moins qu'on leur écrive le texte, qu'ils deviennent comédiens et qu'on écrive les réponses qui seraient encore plus douteuses. Mais les gens acceptent de venir parler, de raconter. Moi-même, je suis surpris. Alors, William Carrel, on va entendre à nouveau un nouvel extrait des Hommes de la Maison Blanche et puis on en reparle juste après. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Des documents récemment déclassifiés ont révélé que dès août 1962, Kennedy n'avait qu'une idée en tête, se débarrasser de Castro. Il avait rencontré à plusieurs reprises les responsables du FBI et de la CIA pour faire le tour de toutes les éventualités. Selon le général Alexander Haig, Fidel Castro, excédé par toutes ses tentatives de meurtre contre lui, aurait décidé de se venger en organisant l'assassinat de Kennedy à Dallas. Lyndon Johnson aurait volontairement enterré tout le dossier. Le président Johnson l'a reconnu. Il était perplexe. Il a dit à ses conseillers, « Si les Américains apprenaient que Castro est mêlé à cette histoire, nous serions balayés du pouvoir. » Il était convaincu que Castro était derrière tout ça, et il l'a répété sur son lit de mort. Ces choses-là doivent être révélées. Elles ne l'ont jamais été. Elles le seront dans 20 ou 25 ans. Pourquoi pas ? William Carrel, on vient d'entendre un extrait des Hommes de la Maison Blanche, qui est un documentaire en 3 fois 52 minutes. C'est un documentaire qui va épouser une forme à peu près constante de narration, la musique que l'on vient d'entendre, et les témoins, énormément de témoins. Est-ce que cette forme s'est imposée dès le départ? Est-ce que vous aviez déjà en tête la façon dont vous alliez le raconter? Est-ce que c'est venu en chemin? Comment ça s'est construit pour vous? Moi, j'attache très très peu d'importance à la forme. Je sais que c'est... Menteur. Ça, je peux pas croire. Comment? Oui, non, non, on y reviendra, mais oui. allez-y, expliquez-moi. Non, non, c'est-à-dire... on peut pas faire plus simple comme forme. Filmer toujours des témoins en gros plan. J'ai toujours l'impression que la mode actuelle, c'est vous faites marcher le témoin dans une allée ou n'importe quoi, il parle pendant qu'il est en train de parler, vous le précédez. Ou alors avec un HF ou une perche qui est d'une stupidité totale, si ce qu'il a à dire est intéressant. On n'a jamais fait mieux qu'un type assis en gros plan. Je filme jamais en plan moyen non plus. Parce que il me semble que c'est perdu, c'est au plus serré. Vous êtes combien, à peu près, à combien de... Ah, non, non, je veux dire, à combien de distance, à peu près, pour se faire une idée? 1m50, c'est très proche. Et c'est quoi, une petite caméra, une... Maintenant, minuscule, même puisque les caméras en haute définition sont toutes petites. Plus c'est petit, plus c'est... Avant, comme on était les premiers à commencer, on avait l'air un peu ridicule, parce que après, quand quelqu'un d'autre arrivait, plus vous avez une caméra lourde et grande, mais en fin de compte, elle n'était pas supérieure en qualité. Maintenant, ça s'est miniaturisé. Ça, évidemment, ça fait ridicule un petit machin de 20 cm posé sur un énorme pied parce que n'ont pas changé de taille, mais elles sont très bien. On peut dire d'une certaine façon, enfin, je sais pas si vous serez d'accord avec ça, vous avez quand même un peu construit une école, parce que après, c'est venu assez régulièrement de voir apparaître dans des documentaires, bah, précisément, des témoins, de nombreux témoins, qui, dans un cadrage à peu près identique, viennent s'exprimer. Vous pouvez estimer que vous avez un peu inauguré l'Austin? Pas inauguré, en tout cas j'ai continué ce qu'a fait Brian Lapping le premier pendant longtemps, c'était le meilleur choix. Et illustré sur les hommes de la Maison Blanche, j'avais découvert ce fond magnifique de photographie en noir et blanc et je m'en suis énormément servi parce que ça change des archives filmées et c'est toujours très beau, vous pouvez faire raconter plein de choses sur une photo. Alors, je vais prendre un exemple, et précisément, c'est là où je disais que ça avait l'apparence, et effectivement, de la simplicité, cadrer un conseiller, deux conseillers, trois conseillers, ou 10 conseillers, ou 15 conseillers, un par un. Mais assister, par exemple, au départ, comme ça l'est dans un des documentaires des hommes de la Maison Blanche, au départ de Nixon, en ne cadrant que de la photo, noir et blanc, et en glissant, en laissant la caméra glisser sur les visages, en s'attachant au grain de la photo, et avec cette musique que vous avez déjà entendue, je peux vous garantir que déjà l'effet est totalement saisissant. Et là, on peut dire quand même que c'est un peu plus que de la simplicité de réalisation, même si ça reste extrêmement simple, c'est quand même un procédé extrêmement raffiné. Oui, c'est bien parce qu'en plus, il n'y a pas de texte. Mais j'essaye, mais c'est très difficile avec les chaînes maintenant où la folie, c'est d'aller de plus en plus vite et on ne peut pas se permettre de marquer un temps d'arrêt. Le départ de Nixon, il est traité en long mouvement sur les photos, mais il n'y a pas un témoin qui parle en dessous, il n'y a pas de commentaire, parce que ça suffit, les photos suffisent. C'est aussi hommage pour vous à la photo de presse? Oh, bien sûr. Dès que je peux mettre une photo à la place d'une archive, je n'hésite pas sur la partie, je sais plus si c'est dans la CIA ou sur les hommes de la Maison Blanche, la partie sur le Chili et Allende et Pinochet est traitée aussi entièrement en CIA, en photo. En 1971, Salvador Allende, le candidat socialiste, remporte les élections à la présidence du Chili. C'en est trop pour Richard Nixon qui, horrifié, donne carte blanche au directeur de la CIA, Richard Helms, pour empêcher son entrée en fonction. Et la CIA a créé toutes les conditions pour que le chaos s'installe au Chili. Un chaos économique et social, afin de donner aux militaires un prétexte pour intervenir et renverser le gouvernement. Personne n'a parlé de tuer Allende, il fallait essayer de lui faire quitter le pouvoir. Mais nous étions associés à des gens qui souhaitaient tuer Allende. Ils ont utilisé des entreprises privées. La CIA, les militaires, l'ambassade, tout était bon. Ils avaient toute une équipe qui ne se consacrait qu'au renversement d'Allende. Ce n'était pas quelqu'un que le gouvernement américain appréciait. Henry Kissinger et Richard Helms, le directeur de la CIA, faisait partie de ceux qui avaient mis au point l'opération depuis Washington. Ils savaient que lorsqu'Allende deviendrait un problème et qu'il nous demanderait de nous en occuper, nous ferions de notre mieux. Et on a fait de notre mieux. Washington décide alors d'aider les militaires à renverser Salvador Allende et mettre le général Pinochet au pouvoir. Le coup d'État finit par survenir le 11 septembre 1973. Salvador Allende est assassiné ou s'est suicidé selon la CIA et des milliers de Chiliens torturés et massacrés. Les listes des suspects avaient été fournies par la CIA aux escadrons de la mort de la junte militaire. Alors que découvre-t-on William Carell qu'on connaissait déjà dans une entreprise de dissection du pouvoir suprême, la Maison Blanche? Vous choisissez en fait de faire des présentations, je dirais un peu topologiques au départ, puisque vous indiquez à droite il y a le NSC, à gauche le Pentagone, à l'autre bout de la ville il y a le département d'État, etc. Et puis il y a ce bâtiment, cette architecture bien particulière, dont on peut rappeler d'ailleurs, au passage, ça ne l'est pas dans votre film, enfin on le découvre quand on s'aventure un peu sur l'histoire de la construction de la Maison Blanche, et qu'une grande partie de la main-d'œuvre était évidemment une main-d'œuvre d'esclaves. Toute l'ambiguïté également qu'il existe pour les États-Unis. Ce choix de faire en fait une présentation presque, scolaire. Non, extrêmement théâtrale, oui. Et puis très théâtrale, c'est-à-dire on implante le décor. C'est quoi Je crois même que dans le commentaire, je disais au côté cour, au côté jardin. Oui, c'est bien exactement. Possible. Exactement, ouais. Oui. C'est parce que ça se passe exactement comme ça. C'est une scène où va se jouer, en exagérant, le sort du monde. Et c'est très joli, c'est pas disposé par hasard. Le Pentagone est à part, mais le NSC... Donc qui est le Conseil National de Sécurité. Oui, hein. Très important. Et qui, alors, présentez-le un tout petit peu aux auditeurs. Il est principalement sa fonction dans l'organigramme administratif de Washington. C'est quoi le NSC? C'est de conseiller le président sur tous les problèmes de sécurité. C'est l'endroit où il y a vous savez, il y a les war rooms, les situation rooms sous la Maison Blanche, il y en a un sous la NSC. C'est inséparable de la Maison Blanche à tel point que c'est le seul bâtiment qui est relié par un tunnel souterrain en cas de crise. On peut passer de l'un à l'autre très facilement. Et il y a personne n'en parle. Il y a un directeur du NSC qui a un poste important, mais on connaît jamais qui est le directeur. Uniquement quand Henry Kissinger est resté plusieurs années directeur. Mais c'est un bâtiment où il y a 1500 employés. Vous avez vu, il fait 12 étages de haut. C'est un truc extrêmement important et moins on en parle, mieux c'est pour eux, j'imagine. Disons que jusqu'à un certain moment, on n'en parlait pas. Et puis progressivement, surtout principalement à partir de 2001, le nom a un peu plus affleuré dans Bien la presse. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il a été facile, de la même manière que vous le décriviez avant, de convaincre des témoins appartenant au NSC de venir spontanément apporter leur collaboration à vos documentaires? Est-ce que, de la même façon que pour le personnel administratif, dès lors qu'ils ne sont plus sous réserve, ils viennent spontanément parler? Aussi facilement. Moi, j'ai eu, je crois, 4 ou 5 directeurs du NSC, dont Brent Scowcroft, qui était directeur du NSC, à la fin de Reagan et sous Bush père. C'est un génie dans sa branche. Si vous lisez dans les mémoires de Mitterrand, Mitterrand dit que c'est le seul génie qu'il ait jamais rencontré. Pourtant, il a rencontré beaucoup de gens. Et puis, il n'admettait pas forcément que d'autres fussent génies. Exactement. Ces gens-là racontent des fois des histoires. Alexander Haig, qui a été lui aussi chief of staff. Ça peut sembler des anecdotes, les histoires qu'il raconte, mais c'est faux, ça éclaire très très bien. Quand au moment de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe avec Bush père, quand Saddam Hussein a décidé d'envahir le Koweït, et que le directeur de la CIA nous raconte qu'il avait mis 1500 de ses agents de la CIA tout le long de la frontière pour que ça prévenu le premier que Saddam Hussein allait envahir le Koweït, et qu'il raconte qu'il est en train de pique-niquer avec sa femme au bord de la rivière et ses enfants, et qu'il y a une voisine qui passe, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Saddam Hussein envoyait le Koweït, il dit « Voilà l'état de la CIA ». C'est une anecdote, mais ça vous raconte tellement dans quel état de déconfiture était arrivée la CIA. Le 2 août, l'Irak envahit et occupe le Koweït. Personne au Pentagone n'a pris au sérieux les avertissements des agents de la CIA en place le long de la frontière. On a même oublié de prévenir le principal intéressé, Robert Gates. J'étais en vacances. Nous étions au bord de la rivière, près de Washington, en famille, quand une parente de ma femme nous a rejoints pour déjeuner. Elle m'a regardé et m'a dit « Je suis surprise de te voir encore là ». Je lui ai demandé de quoi elle parlait et elle m'a dit « L'invasion ». Je lui ai demandé « Mais quelle invasion ?» Elle m'a répondu « L'Irak a envahi le Koweït ». Ils sont doués à CNN pour obtenir des infos. Voilà, William Carell. Bah, écoutez, demain, on aura l'occasion de revenir sur certains personnages. Mais j'aurais bien voulu avoir déjà, en forme de conclusion, Il s'avère que tout le long de votre saga, on va découvrir un sentiment qui est commun à la plupart des administrations de la Maison-Blanche, c'est qu'on se déteste extrêmement farouchement à l'intérieur des administrations. Alors, de temps en temps, il y a des dream teams, voilà, il y a des moments où les équipes sont très soudées, mais en général, ça se délite très vite et très rapidement, les égos de chacun reprennent le dessus. Comment vous comprenez cette espèce de, apparemment, de mécanisme irréversible au sein d'une même administration? C'est exactement comme avec le sultan pour être la favorite du harem, j'imagine que ça doit être... Vous pensez que l'image est un peu exagérée, mais ça se joue un peu comme ça. Ça a commencé sous Nixon et sous Kennedy aussi, même les gens qui sont arrivés avec lui, tous ses conseillers, Sorensen et tout ça. C'était de savoir qui serait la favorite du roi. C'est la même chose. Si vous avez un poste officiel, si vous êtes secrétaire à la Défense ou secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à ce moment-là, votre poste est fixé. Mais si vous êtes conseiller du président, il y a forcément une rivalité pour savoir qui sera... Ce sont des postes extrêmement importants. Karl Rove, pour Bush, il n'avait aucun poste, aucune étiquette officielle. Wolfowitz non plus, et il faisait la loi à la Maison-Blanche. Ils n'ont aucun poste officiel, et donc c'est une lutte pour le pouvoir. C'est curieux parce que n'avez-vous pas le sentiment que c'est un domaine dont on parle peu, c'est-à-dire qu'on cite souvent les États-Unis, les Américains, la Maison-Blanche comme un grand tout très homogène, alors que c'est particulièrement hétérogène. On a aussi de quoi penser que à l'intérieur de la Maison-Blanche, pendant le passage de George Bush, fils, donc les deux mandats, il en a été de même. Ça a été par moments homogène sans doute, mais très souvent aussi hétérogène. Oui, je ne sais pas quoi vous répondre. Disons qu'il y a une telle... D'habitude, le rôle du vice-président, c'est une quantité négligeable. Et cette fois-ci, il a joué un rôle... D'habitude, c'est un figurant. Dick Cheney, oui. Oui. Et donc, beaucoup de choses ont été faites sans que Bush soit responsable, et je ne le défends pas, et peut être imputé à Cheney. Rumsfeld sur la guerre d'Irak et tout ça, tout s'est fait pratiquement sans que Bush... Il n'avait juste qu'à dire oui ou non. Il y a eu un changement complet où le président ne décidait pas. Ils ont dû jouer sur cette faiblesse. Est-ce que c'était, selon vous d'ailleurs, un premier cas d'espèce, ou est-ce qu'il aurait pu y avoir une sorte de précédent avec un personnage comme Reagan? On aura l'occasion d'en parler sans doute à partir de demain. Oui, je pense que Reagan aussi, tout le monde dit que c'était vraiment pas un génie en politique étrangère, tout ça. Il y avait aussi un problème assez grave avec Reagan, c'est que pendant un long moment, et je le dis dans le film, c'est que c'est sa femme qui dirigeait la politique américaine. C'était assez rare d'avoir la femme du président des États-Unis siéger à tous les conseils des ministres, soit en l'absence de Reagan et dirigée de... Quand vous dites rare, c'est même un euphémisme. Oui. Et donc, je pense que chaque présidence a été différente. Avec le recul, finalement, la présidence de Bush père n'a pas été si mauvaise que ça, disons, par rapport au fils, au moins, en tout cas. Ça reste surprenant, d'ailleurs, qu'il n'ait pas été réélu. C'est pratiquement le seul avec Jimmy Carter. Demain, suite de cette évocation, nous retrouverons au micro d'Histoire vivante le réalisateur William Carell.